إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله عز وجل. عباد الله، هذه وقفة مع ممارسة خطيئة وعادة سيئة وفعلة آثمة وقع فيها كثير من الناس، أضرت بأبدانهم وأتلفت أموالهم وأثرت على صحتهم وعقولهم وأفكارهم، ولا يزالون مع مر الأيام وانصرام الشهور والأعوام وهم يشاهدون الأضرار تلو الأضرار، ولا يزالون مع ذلك مصرين على تلك الممارسة، مستديمين على تلك العادة. الحديث عباد الله عن التدخين، وما أدراك ما التدخين، تلكم الآفة الخطيرة والسم الزعاف والمرض الفتاك والشر المستطير. وهذه المعاني أعلم الناس بها وأدراهم بها من يمارس التدخين، لأنه لا يزال في معاناة وشدة مع هذه الممارسة السيئة، لا يزال يجني أضرارها يوما بعد يوم وزمانا بعد زمان، ومع ذلك لا يزال ممارسا لها. عباد الله، إن منة الله علينا أمة الإسلام بهذا الدين، بهذا الدين العظيم، أنه دين عظيم مبارك جاء ليحفظ عقول الناس ويحفظ أبدانهم ويحفظ أموالهم ويحفظ أديانهم. والتدخين مضر بهذا كله. عباد الله، أضرارا متفاوتة بيّنها العلماء في كتب نافعة ورسائل مفيدة، فيها تنبيه للغافل وتعليم للجاهل وتبصير للمستبصر. عباد الله، إن من يتأمل قواعد الشريعة ودلائل الكتاب والسنة لا يشك ولا يرتاب في حرمة التدخين، وأنه آفة خطيرة وذنب يجب على كل مدخن أن يتقي الله عز وجل بالتوبة منه والبعد عنه وتركه إلى غير رجعة. يقول الله تبارك وتعالى مبينا ما جاءت هذه الشريعة المحملة به بما بعث به رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، يقول تبارك وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والدخان في شهادة كل مدخن خبيث ليس بطيب. الدخان عباد الله قاتل للنفوس قتلا بطيئا ومتدرجا. وقد قرأت في الإحصائيات أن معظم وفيات العالم بسبب التدخين، وجاء في الإحصائيات أن أكثر من 1,500,000 نفس تموت سنويا بسبب التدخين. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويقول جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وما من ريب أن المدخن بتدخينه ملقي النفس بنفسه لن تهلك، تهلكت أيما تهلك، وفي صحته وفي ماله وفي بدنه وفي أهله وفي ولده وفي من هو بجانبه. عباد الله، من قواعد الشريعة العظام وما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، والدخان يتنافى كل المنافى مع هذه القاعدة العظيمة. فالدخان ضرره يعني ضرر كله وليس فيه أي فائدة. ولما حرم الله تعالى الخمر في كتابه العزيز قال سبحانه وتعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. والدخان لا نفع فيه مطلقا بل كله ضرر. عباد الله، التدخين إضاعة للمال، وقد أحصى أحد المدخنين أمضى في الدخان عمرا مديدا حيث جاوز عمره 70 عاما، وأحصى تقريبيا الأموال التي صرفها في شراء الدخان فزادت في سنواته كلها على 60,000 ريال، يعني هذا في السعودية، أما هنا في الدولارات يعني نفس الشيء. صرفها كلها في التدخين، صرفها كلها في التدخين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. وذكر فيها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، في ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه. فماذا هو قائل المدخن يوم القيامة إذا سئل عن تلك الأموال التي أنفقها في شراء الدخان؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والتدخين إضاعة للمال قطعا لا ريب. عباد الله، إن الواجب على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه وفي ماله وفي عقله وفي دينه، ويحافظ على هذه الأشياء محافظة تامة، ويحذر أشد الحذر من كل مضيع لها ومهدر لها. فتلك الأموال الطائلة التي تصرف في شراء الدخان إلى أين تذهب؟ وما هي الشركات المصنعة لها؟ وأعظم الشركات، وإن لم يكن كلها صنعاً للتدخين، شركات يهودية. فما أعظمها من خسارة يقدمها المدخن بالأضرار بماله وصحته وبدنه، وتقوية تلك الشركات بإرسال تلك الأموال الطائلة إليها. عباد الله، قرأنا في بعض التقارير لأحد الأطباء في حديث عجيب عن رئة المدخن. في ضمن ذلك التقرير يقول ذلك الطبيب: أحصرت مدخنا عندي وطلبت منه أن يدخن وأن ينفث دخانه على زجاجة بيضاء، فما لبث وقد انتهى من دخانه إلا وتغير لون الزجاجة. ثم أخذ يبين أن هذا التغير على لون الزجاجة بسبب الدخان الذي بث فيها ونبث عليها، مثله أضعاف وأضعاف يكون في رئة المدخن. ولهذا قرر الأطباء النصحاء أن الدخان آفة كله وضرر على الصحة كلها، على الفم والحنجرة وعلى الرئة وعلى الدم، ويسبب أضرارا كثيرة خطيرة. وقبل ذلك أجمع أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل البصيرة بدين الله أجمعوا على حرمة التدخين وتحريمه وتأثيم صاحبه. ألا عباد الله، فلنتقوا الله تبارك وتعالى، والمسارع بل وليبادر كل مبتلل بهذه الآفة إلى التوبة إلى الله عز وجل وإلى توديع هذه الآفة إلى غير رجعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سأشهد الله حي الله. Et souvenez-vous que vous allez le rencontrer au jour de la résurrection et qu'Allah va vous demander des comptes. Alors, craignez Allah et soyez pieux envers lui en faisant ce qu'il vous ordonne et en vous écartant de ce qu'il vous interdit. Serviteur d'Allah, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très important puisque malheureusement beaucoup d'entre les musulmans sont affectés par cette maladie et par ce problème. Et c'est-à-dire la cigarette. Et on voit que la cigarette, c'est quelque chose qui cause du tort à beaucoup d'entre les hommes, et beaucoup de femmes, et beaucoup d'enfants également. Et ça a un effet sur la santé, ça a un effet sur la raison, ça a un effet sur la pensée, sur le corps. Et tous ces effets, ces nombreux effets qui sont mentionnés par les médecins, et par les scientifiques, et par les ulama de l'islam, beaucoup d'entre les musulmans les ignorent ou bien ils font semblant de ne pas les connaître. Et donc il est important de parler de ce poison qui détruit des vies et qui tue chaque année des millions d'êtres humains. Et on voit des musulmans qui pratiquent et qui fument ces cigarettes jour après jour, sans même s'imaginer que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, c'est un suicide. Un suicide à long terme. Petit à petit, et c'est équivalent à boire un poison, goutte à goutte, qui à la fin finit par tuer la personne. Lorsqu'on regarde dans les règles de l'islam et de la charia, il y a des principes clairs qui nous font comprendre que la cigarette est quelque chose d'interdit. Puisque de façon générale, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a rendu halal tout ce qui est bon. Et il nous a interdit tout ce qui est mauvais. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit lui-même dans le Coran, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Donc les طَيِّبَاتِ, c'est tout ce qui est bon. Et les خَبَائِثِ, c'est tout ce qui est mauvais. Et il n'y a pas de doute que la cigarette fait partie de ce qui est خَبِيث, de ce qui est sale, de ce qui est mauvais. De ce qui a une mauvaise odeur et de ce qui est mauvais pour la santé. Et donc, lorsqu'on regarde également dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ » Ne vous tuez pas vous-même. Que ce soit de façon directe, en se suicidant, avec un arme ou avec d'une autre manière, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le suicide. Et il a mentionné que la punition de celui qui se suicide dans l'islam, c'est qu'il va, continuer à se châtier dans l'enfer par la manière dont il s'est tué lui-même et dont il s'est enlevé la vie. Donc s'il s'était enlevé la vie en sautant en bas d'une falaise, eh bien il va continuer à sauter en bas d'une falaise dans l'enfer. Et s'il s'était tué en buvant du poison, il continuera à boire ce poison continuellement dans l'enfer. Et s'il s'était tué en se pardant ou en s'étranglant, il va se tuer comme ça dans l'enfer éternellement. Et ainsi de suite. Et donc, le suicide dans l'islam fait partie des grands péchés. Et il n'y a pas de doute que c'est haram. Mais si quelqu'un se tue à petit feu en fumant une cigarette, c'est la même chose. C'est équivalent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également, voilà tout le monde a aidé pour la tahluka. C'est-à-dire que vos mains ne sont pas la raison de votre propre perte. Ne vous tuez pas vous-même, et ne faites pas que votre père soit à cause de votre propre main. Et lorsque quelqu'un fume la cigarette, il n'y a pas de doute qu'il court à sa perte et qu'il fait que sa main est la cause de sa propre perte. Et parmi les règles de la charia de l'islam, il y a également le principe qui dit « La darara wa la dira »« La darara wa la dira » C'est-à-dire, tu ne dois pas te faire du tort à toi-même et tu ne dois pas non plus faire du tort aux gens qui sont autour de toi. « La darara wa la dira » Tu ne dois pas te faire du tort à toi-même ni aux autres. Et lorsque tu fumes, tu te fais du tort à toi-même et tu fais du tort aux gens autour de toi. Non seulement à cause de ton odeur qui empeste l'air que les gens respirent autour de toi, mais aussi à cause de la fumée secondaire qui est plus nuisible pour ceux qui ne sont pas des fumeurs que pour celui qui fume lui-même. Et les effets de la fumée secondaire sont plus graves que les effets pour celui qui fume lui-même la cigarette. Parce que celui qui fume, en général, on a placé un filtre au bout de la cigarette, tandis que celui qui respire la fumée secondaire, il la respire directement. Et toute la fumée va directement dans ses poumons. Et donc tu es en train d'empoisonner non seulement ta propre personne, mais tu es en train d'empoisonner ta femme, tes enfants, et les gens qui sont autour de toi et qui respirent la fumée que tu dégages. Et donc ça c'est quelque chose qui est clairement en contradiction avec les principes de la charia de l'islam, qui enseigne que tu ne dois pas faire du tort à toi-même et que tu ne dois pas non plus faire du tort aux autres. Et également, on voit que lorsque Allah a mentionné l'interdiction de l'alcool dans le Coran, il a mentionné au sujet de l'alcool, il a dit « Fihima ithmun kabir » au cours des jeux de hasard et de l'alcool. Il a dit « Fihima ithmun kabir wa manafi'un linnas » Il y a en cela un grand péché et un bienfait pour les hommes. Et après il dit « Wa ithmuhuma akbar min naf'ihima » Mais le mal qui est dedans est plus grand, son péché est plus grand que le bien. Mais pour la cigarette, il n'y a aucun bien du tout. Il n'y a rien de bénéfique dans la cigarette. Il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas d'aliments nutritifs pour le corps, ni pour l'esprit, ni pour la raison. Il n'y a que du mal, du début jusqu'à la fin. Sans oublier que tu gaspilles ton argent. C'est comme si tu prenais ton argent, tu prends les billets de 5 dollars, 10 dollars, tu l'allumes et tu le brûles. Ça, c'est gaspillage. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le gaspillage. Inna al-mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Ceux qui gaspillent sont les frères des shayatins, des diables. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'au jour de la résurrection, le serviteur sera questionné sur la façon qu'il a dépensé son argent, comment il l'a gagné, comment il l'a dépensé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit également trois choses: de poser trop de questions, de gaspiller de l'argent. Et de gaspiller de l'argent, ça fait partie de ces trois choses. Et celui qui fume, il n'y a pas de doute qu'il gaspille de son argent. Et les médecins ont clarifié également les effets néfastes que la cigarette peut avoir sur les poumons. Et ils ont fait le test à quelqu'un, ils lui ont dit de prendre la fumée de cigarette et de la souffler sur une fenêtre ou sur une feuille blanche. Et à la fin de sa cigarette, la feuille est devenue jaune. Et donc, si c'était le cas après une seule cigarette, imaginez comment le poumon de la personne qui fume depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, de quelle couleur sont ses poumons par rapport à celui qui ne fume pas. Eh bien, ça a des effets catastrophiques sur le poumon. Sans oublier que ça cause même des cancers et que ça cause beaucoup d'autres maladies. Et donc, il est important de comprendre. À une certaine époque, certains musulmans disaient que fumer, c'est pas bon, que c'est pas haram. Et le makrouh, c'est quoi? Ça veut dire que c'est détestable. Que si tu le fais, tu n'es pas puni, mais si tu le délaisses, tu vas être récompensé. Et la réalité, c'est que c'est pas makrouh. C'est clairement haram. Et la raison pourquoi les savants, au début, lorsqu'ils ont dit que c'était makrouh, certains d'entre eux, ils ont dit pourquoi c'est makrouh? Parce qu'ils ont fait le qiyas entre l'ail et la fumée de cigarette. puisque la seule chose qu'ils connaissaient des effets néfastes de la cigarette, c'était son odeur. Et donc ils ont dit, puisqu'il est interdit de rentrer dans la mosquée lorsqu'on a mangé de l'ail et des oignons, parce que ça nuit aux anges et ça nuit aux croyants, et donc la fumée de cigarette est comparable à l'ail. Et donc dans ce cas-là, il est macro, il est détestable. Sauf qu'avec les découvertes de médicales qui montrent les effets néfastes de la cigarette sur la vie et à quel point ça peut même causer la mort, et que beaucoup de gens meurent à cause de cela, il devient certain, sans aucun doute, que la cigarette, elle n'est pas macro, mais elle est haram, complètement haram. Et sans oublier que tu causes même des torts à la personne qui est autour de toi. Il y a aussi dans la cigarette une drogue qui s'appelle la nicotine. Et cette drogue, c'est ce qui fait que les gens ont toujours envie d'en avoir et d'en fumer. Et souvent, on voit que les gens qui fument, ils fument en particulier dans les moments où ils sont nerveux et ils sont stressés. Et donc, ils cherchent absolument à avoir sous la main leur cigarette et ils trouvent que ça leur donne de l'apaisement et du calme. Pourquoi? Parce qu'il y a dedans une drogue qui est la nicotine. Et donc ça, c'est quelque chose qui rend l'affaire encore plus grave et encore plus dangereuse. Également, certains parmi les certains savants, soi-disant, ont ramassé ou ont ramené des fatwas assez bizarres sur ce sujet. Jusqu'à ce que certains disent même que la cigarette est halal pour les riches et haram pour les pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les pauvres, ils n'ont pas assez d'argent. Tandis que les riches, eux, peuvent gaspiller. C'est pas grave. Parce qu'ils en ont beaucoup. Et donc, ils ont dit la cigarette est halal pour les riches et haram pour les pauvres. Et ça, c'est totalement bâtard. C'est totalement faux. De même que dans certains pays, comme ici, par exemple, on interdit la cigarette aux enfants et on la permet aux adultes. Tandis que dans l'islam, il n'y a pas de différence entre l'âge. Que tu sois moins que 16 ou moins que 18 ans ou plus. Qu'est-ce qui est haram pour les enfants? Qu'est-ce qui est haram pour les adultes, c'est haram pour les enfants, sans distinction. Qu'est-ce qui est haram pour les enfants, c'est haram pour les adultes, et vice-versa. Également, un autre point, c'est que les grandes compagnies de production de tabac, ils font des milliards de profits chaque année, et les gouvernements occidentaux en profitent aussi de ça. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas l'interdire, parce que ça ramasse et ça leur donne trop de profits. Donc au lieu de l'interdire, ils écrivent sur les paquets et ils mettent des photos sur les paquets qui disent « Cela, ça peut te tuer, ça peut te donner des maladies, ça peut te faire ci et ça. » Il y en a qui va vendre quelque chose à quelqu'un et lui dire en même temps « Tu sais, ça peut te tuer. » Il y en a, c'est tellement malhonnête. Et quelqu'un qui est sincère et véridique, il va l'interdire, il va pas se limiter uniquement à coller des photos et à dire aux gens que c'est mauvais. Mais ça, au revoir, à la vie. C'est comme s'ils donnaient des armes aux gens. Dans la rue, ils disaient « Faites attention, ce fusil-là peut tuer. » Et la cigarette, ça tue, donc ça devrait en principe être interdit. Et malheureusement, on voit que le tabac lui-même, parfois, est récolté dans certains pays musulmans. C'est-à-dire qu'il y a des paysans et des fermiers musulmans qui font pousser le tabac, qui le sèchent et qui le vendent aux compagnies de cigarettes. Et ça, c'est quelque chose qui est haram également, parce que c'est pas seulement de vendre la cigarette qui est haram, et c'est la même chose pour le vin, hein, de produire des raisins dans le but de faire du vin avec, c'est haram. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est que dans certains pays, comme par exemple en France, quand ils font les vendanges, c'est-à-dire la récolte des raisins, parmi les plus nombreux de ceux qui travaillent dans les vendanges pour ramasser de l'argent, c'est des musulmans. Ils s'en vont dans les récoltes de raisins pour ramasser le raisin pour faire de l'argent. Et si tu travailles pour ramasser le raisin pour produire le vin, c'est comme si tu avais bu du vin ou vendu du vin. Et c'est haram. Et le prophète Sansem, il a dit, tout ce qui est interdit de vendre, hein, et de boire, tout ce qui est interdit de boire ou de manger, c'est interdit de le vendre aussi. C'est pas seulement de le boire ou de le, hein, c'est pas seulement de le boire ou de le consommer, c'est aussi de le vendre, de le produire, de le transporter et ainsi de suite. De même que dans certains pays aussi, pays musulmans, la récolte du hashish et de la marijuana, parmi les pays musulmans, il y en a qui sont les plus grands producteurs de ces matières interdites que certains pays occidentaux maintenant veulent légaliser. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu haram. Hein? Eh bien, ces matières et ces substances sont interdites dans l'islam. Et ce n'est pas seulement interdit de le consommer, mais c'est interdit également de le produire, de le récolter et de le vendre. Et donc, les paysans musulmans, les gens qui produisent ces plantes, ils doivent craindre Allah, subhanahu wa ta'ala, même s'ils ont peu de moyens, et même s'ils gagnent beaucoup de profit dans ces substances, ils doivent craindre Allah et savoir que le profit, hein, s'ils le gagnent dans ce qui est haram, eh bien, ils ne font que se rapprocher de l'enfer. Également, on regarde, lorsqu'on va même à la Mecque et à Médine, Mecca ou Médine, et tu pars pour faire la Umrah ou le Hajj, et tu vois des musulmans en ihram en train de fumer des cigarettes devant la Kaaba ou devant le Haram, le Makki ou le Madani. Et donc, c'est encore plus grave comme péché, parce que celui qui fait un péché à la Mecque ou à Médine, la punition de ce péché-là, c'est pas une punition ordinaire. Le châtiment sera doublé. Et donc, c'est quelque chose pour nous faire comprendre que il faut faire des efforts pour essayer d'abandonner la cigarette si quelqu'un a été éprouvé par cette maladie. Et il faut savoir une chose, que chaque musulman, il est capable, s'il est éprouvé par la cigarette, il est capable de l'abandonner facilement par la permission d'Allah. Et s'il demande l'aide d'Allah, Allah va lui faciliter. Surtout que quand le Ramadan arrive, il s'abstient de la cigarette toute la journée, pendant un mois. Et ça, c'est la preuve que s'il est capable de le faire pendant un mois, il est capable de le faire également pendant toute l'année, sans difficulté, avec la permission d'Allah. Et donc, ça, c'est un rappel pour nous tous, hein, pour nous aider à préserver notre santé, à préserver notre religion et à rester dans l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سو اعتدلوا سو صفوفكم صفوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا